L'accouchement de Claude Cottard, lu par K00 pour audiocité.net. De Paris à Lima. D'où vient cette idée d'expédition en Amazonie? Il nous semble nous souvenir qu'il vient d'un désir d'autre chose. Nous étions trois autour d'un verre, un soir, chez Brad. L'idée a dû germer comme ça, et nous nous y sommes accrochés, comme un enfant s'accroche à un rêve. Bradel, dit Brad, un jeune Camerounais, saxophoniste, que j'avais connu dans un club de jazz, rue de la Huchette, à Paris. Julien, un Indo-Mauricien, que j'avais connu dans un bar mal famé et qui flirtait plus ou moins avec le milieu, à l'époque, un peu comme moi. Besoin de changer de vie, de voir autre chose. Tous les trois, enfants, avions rêvé d'être plus tard aventuriers. La vie s'était chargée de nous conduire sur d'autres routes. Puis vint cette soirée. Peut-être à l'issue d'un reportage télé. Bref, l'idée est venue de faire cette expédition. Lucide, malgré tout, et sans trop en savoir les raisons psychologiques, nous nous y sommes accrochés. Pendant des semaines, des mois, nous avons couru Paris à nous documenter auprès de ceux qui avaient fait le voyage. Les avis étaient unanimes. Chacun reconnaissait, des mois après leur retour, que c'était une expérience unique et inoubliable dans leur vie, ce qui nous donna d'autant plus envie de persévérer. Moi, étant à l'armée alors, Brad, musicien la nuit dans divers clubs, Juju se débrouillant, comme il disait. La rencontre de Xavier Maniguet y fut, je pense, pour beaucoup aussi. Xavier Maniguet, médecin colonel français, tropicaliste, qui, des années plus tard, sera impliqué dans l'affaire du Rainbow Warrior. Toujours est-il qu'un an plus tard, en novembre 1977, nous étions prêts à partir. Moi, j'ai fini mon service militaire. Nous avions réuni les informations, le matériel, le minimum financier et une idée assez précise du lieu où nous allions mettre les pieds. Des aléas, en tout cas, pour survivre en milieu hostile. Et nous voilà, le 26 novembre 1977, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, cet aéroport qui vient de fêter ses 3 ans. Nous enregistrons nos sacs à dos pour Lima, le cœur battant. Nous nous disons quand même que nous sommes cinglés. Partir ainsi, sans savoir si ce que nous avons appris correspondra à la réalité sur place. Si nous ne partons pas ainsi vers l'inconnu, peut-être vers la mort. Si nous reviendrons un jour. D'un autre côté, rien ne nous retient ici, ni travail, ni femme, et la famille même pas. Un mélange de sentiments nous étouffe. Entre la joie et le bonheur de partir, et une certaine appréhension. Nous sommes assez lucides pour savoir que peu, encore, ont fait l'expédition en tant qu'amateurs, mais que tous ne sont pas revenus. Sommes-nous assez prêts, malgré les vaccins, la préparation, l'étude des lieux et des conditions de vie? D'autant que seul Brad parle espagnol. Un peu de quechua, langue du Pérou, qu'il a appris avec une amie originaire de Cusco. La compagnie néerlandaise KLM nous conduit de Paris à Amsterdam, et de là, nous prenons un autre avion pour Lima. Durant ce long vol, d'environ 13 heures, avec une escale à l'île d'Aruba, au large des côtes vénézuéliennes, après 9 heures de vol, Aruba, petit caillou de 100 000 habitants, entouré par des plages et sous domination hollandaise. Cette relique des temps coloniaux constitue un petit îlot de richesse relative parmi la zone caribéenne, et beaucoup de ses habitants n'échangeraient leur statut de Hollandais pour rien au monde. Nous n'avons pas le temps de faire connaissance avec les autochtones de l'île et nous restons cantonnés dans le petit aéroport. Nous observons tout, affamés de nouveautés, de nouvelles cultures, d'un nouveau monde, d'aventures. Nous nous sentons comme Christophe Colomb, Vasco de Gama, lorsqu'ils furent leur premier voyage en terre inconnue, comme Alain Bombard au moment de partir. La dernière partie du voyage commence et il ne reste plus que 4 heures et demie de vol pour atteindre notre destination. Nous survolons la Colombie et notamment Bogota, cette métropole tentaculaire et anarchique de près de 8 millions d'habitants. Et nous finissons enfin par atterrir à l'aéropuerto internacional Jorge Chavez de Lima, Pérou. À peine un pied posé sur le sol, nous réalisons que notre expédition n'est déjà pas au point. Nous avons étudié le climat, la flore et surtout la faune, les coutumes et la géographie. Nous nous sommes préparés physiquement, mais nous n'avons pas pensé à un lieu pour dormir. Nous nous sommes dit que nous nous débrouillerons sur place. Sur place, nous y sommes maintenant. Nous trouvons heureusement un petit hôtel modeste pour passer la nuit, car 13 heures d'avion nous ont épuisés. Sans parler du décalage horaire et du climat tropical. Demain il fera jour et nous aurons les idées plus claires. Bien sûr, aucun de nous ne parvient à dormir. Nous sommes trop nerveux à l'idée de ce nouveau monde qui nous attend dehors. Penchés à la fenêtre, nous observons, nous écoutons, nous humons. Et c'est un choc. Lima est sale, bruyante, polluée. Nous n'avons vu que le pire, heureusement. Nous décidons de sortir faire un tour malgré tout. Nous n'avons pas fait cette expédition pour rester dans une chambre d'hôtel. Nous nous retrouvons sur la Plaza des Armas, où un grand nombre de Liméens s'étaient donné rendez-vous. Nous sommes stupéfaits par l'ambiance, d'autant plus qu'on s'y sent vite observé et épié. Cette âme de ville coloniale parcourue par des vendeurs ambulants indiens et nombre de petits métiers donne au centre un aspect que nous avions survolé dans quelques westerns italiens. De vieux cafés et clubs avec vieilles boiseries, élégance guindée et charme des bâtiments coloniaux. Essaimant dans cette partie de Lima, beaucoup de prostituées, souvent mineures. Nous évitons les bidonvilles qui pullulent ici, nous aurons le temps plus tard de nous saper le moral. Nous savons, nous en avons aperçu quand même, une telle misère nous paraît intolérable. Dans ce vieux quartier, nombreux sont les sans-abri qui n'ont pas le minimum pour vivre. Les taxis cherchent inévitablement à arnaquer les touristes fraîchement arrivés. Aussi, les évitons-nous. Plus d'un tiers des 24 millions de Péruviens vit à Lima, soit 8 millions d'habitants. Et ça se voit et ça s'entend. La ville est incroyablement bruyante, grouillante et polluée. Pour ajouter la touche finale au tableau, à cette période, la ville est nimbée d'un brouillard humide appelé le garoua. On ne voit pas le ciel et la ville revêt une pâleur fantomatique. On nous dit qu'il faut revenir en été, à partir de janvier, quand les bâtiments colorés de la vieille ville s'éclaircissent enfin et que les habitants de Lima profitent de la plage. On a faim, mais ici, pour ne pas exploser notre budget, il faut soit manger dans la rue, empanadas, papas, relenas, soit manger dans les restos économiques qui proposent des menus très copieux de 2,5 à 5 soles, 1 à 2 euros, avec soupe, plat de résistance et boissons locales. Nous commençons à nous demander si nous n'avons pas fait une folie de nous embarquer ainsi à l'aventure. Un homme nous aborde et commence à discuter avec Brad, en espagnol. Il nous recommande le Barranco, un quartier chic de Lima, pour le ceviche, une spécialité péruvienne de marinade de poisson. Nous propose de nous y conduire, mais nous rassure en précisant que c'est amicalement, que nous n'aurons rien à payer. On tente le coup, et c'est vrai que l'homme ne nous réclamera rien du tout. Le quartier est très mignon et occidentalisé, avec des belles maisons et des rues agréables pour flâner. Il y a le fameux Puente de los Soupires, pont des soupirs, sorte de pont des arts, de Barranco, où se trouvent tous les amoureux. C'est vrai que la petite rue qui donne sur la mer est de loin l'endroit le plus romantique de tout Lima. Ensuite, l'homme nous propose de nous ramener à notre hôtel. Demain, nous devons nous lever tôt pour profiter au maximum. Pendant la route, nous discutons avec cet homme qui nous fait penser physiquement à Castro. L'homme se nomme Abimael Guzmán Reynoso. Il est originaire de la région d'Arequipa et professeur de philosophie à l'université d'Ayacucho. Il a créé un mouvement de guérilla d'obédience marxiste fondé en 1970, mais n'en est qu'au balbutiement. Pour le moment, son principal apport est de signaler le maoïsme comme nouvelle, troisième et supérieure étape du marxisme. Staline et Mao Tse-tung sont ses héros, si on peut dire, ses modèles. La grande lutte entre marxisme et révisionnisme est son cheval de bataille. Nous, on ne comprend pas tout à ces histoires, mais nous sommes loin encore de deviner ce que deviendra Abimael et le mouvement qu'il créa quelques années plus tard, le Sentier Lumineux. Utilisant les méthodes de la terre brûlée, intimidation, chantage, assassinat, outre les enlèvements et vols, du trafic de la cocaïne, les guerrieros du Sentier Lumineux pratiqueront une politique dont la population civile fera les frais de cette guerre, prise entre la violence terroriste de la guérilla et la violence contre-terroriste de l'État. Le Sentier Lumineux appartient aux groupes terroristes les plus meurtriers du globe. Le 12 septembre 1992, Koosman sera capturé et condamné à la prison à vie. Il sera enfermé dans une prison construite spécialement pour lui dans la base navale de Callao. Le groupe maoïste Sentier Lumineux est responsable de la mort de 38 000 paysans. Mais sur le moment, nous ne voyons qu'un gauchiste, très engagé dans ses idées, mais encore sympathique. Il faudra attendre l'année suivante, 1978, pour qu'il démissionne de l'université et entre dans la clandestinité pour fonder le Sentier Lumineux. Cusco, le contraste. Nous nous levons de bonne heure pour retourner à l'aéroport de Lima et prendre un avion à destination de Cusco, où nous arrivons vers 7h30. L'aéroport est tout petit. Un groupe de Péruviens accueille les voyageurs en entendant des chants aux accents andins. Il fait froid dehors, nous sommes à près de 3400 mètres d'altitude. Mais le soleil brille et le ciel est d'un bleu azur. L'ambiance est calme, presque villageoise. On se sent tout de suite bien à Cusco, la capitale historique du Pérou. Comme il est écrit sur une bannière à l'intérieur de l'aéroport, le voyage semble enfin commencer. Le contraste avec Lima fut saisissant, une autre atmosphère. Là, nous nous sentons vraiment au Pérou. Notre voyage commence vraiment. Nous débattons sur un point pratique. Il nous faudrait quand même un guide. Brat et Juju préféraient une femme. Ah, ces deux-là. Comme partout au Pérou, Cusco s'organise autour d'une place centrale, la Plaza de Armas. Celle de Cusco est très belle, propre, bordée de jardins et de petits bancs joliment peints. En son centre, une belle fontaine. Tout autour s'étalent des bâtiments dans le style colonial espagnol, avec des balcons en bois sombre. Une pure merveille que cette grande place. Toutes les rues autour de la place, mais également dans l'ensemble du centre-ville, sont pavées, ce qui confère à Cusco un cachet d'authentisme supplémentaire. De nombreux enfants s'approchent des touristes pour leur vendre des cartes postales qu'ils gardent soigneusement rangées dans des petites boîtes en carton. Un peu partout dans la ville, des paysannes quechua se promènent, certaines avec un lama au bout d'une corde. C'est la première fois que nous en voyons en dehors du zoo de Vincennes. Les petites écolières, dans leur bel uniforme, déambulent sous les arcades de la Plaza de Armas et dans les petites ruelles pavées. Chaque école possède son propre uniforme, et les garçons ne portent pas les mêmes costumes que les filles. Le soleil réchauffe la vallée, la température devient douce et agréable. On ne trouve pas à Cusco de bidonvilles insalubres et glauques comme c'est le cas à Lima, la capitale. Le centre-ville de Cusco est sûr. On peut s'y promener seul en toute tranquillité. Et jamais, durant les 4 jours que nous y avons passé, je n'ai ressenti de l'insécurité, même la nuit. De belles filles aux longues jambes, aux cheveux longs et aux grands yeux noirs lancent des regards charmeurs au grand blond que je suis. Je fais ainsi connaissance de Wenapata. « Tienes una novia ?»« Tu as une copine ?»« Non. » Mauvaise réponse. Brat et Juju sont morts de rire et se moquent du tombeur, comme ils m'appellent. Wenapata ne me lâchera plus et deviendra mon guide. Un bien joli guide. De petite taille, ses cheveux très longs descendent bien plus bas que son dos. Sa taille est fine et elle a des yeux et un sourire charmeur et malicieux. Quel âge peut-elle avoir ? 17 ans, me dira-t-elle. Vêtue d'une kushma, large tunique cousue des deux côtés, décorée avec des teintures et des motifs géométriques très élaborés, sur un fond rouge typique de la région. Un chapeau en laine posé sur sa tête. Heureusement, elle parle un peu français grâce à un missionnaire qui a pris soin d'elle lorsqu'elle et sa famille quittèrent la selva, forêt, 2 ans plus tôt. D'après ce dont j'ai pu me rendre compte, les gens dans la rue, les vendeurs, les gamins, les jeunes filles, tous sont ouverts. Tous nous paraissent accueillants, chaleureux et prêts à engager la conversation. Sincères, ils ne se forcent pas. Il y a en eux une réelle chaleur que l'on ne ressent plus chez nous, ou plus rarement, dans nos pays développés. De Cusco, la vue est spectaculaire. Les habitations sont en énormes pierres jointives caractérisant l'architecture inca. Le mélange des architectures inca et coloniales donne un genre particulier à la ville. Nous avons particulièrement apprécié le marché indien près de la gare. On peut y trouver toute la nourriture nécessaire pour préparer la suite du voyage. Nous flânons donc entre les magasins artisanaux et les petits cafés. Hors de question de fréquenter les coins à touristes grâce à Wena. Nous ne voyons que de l'authentique. Nous buvons la chicha, boisson faite à base de maïs fermenté et de différentes herbes aromatiques, à une baraque en bois. Nous hésitons sur le masato, quand Wena nous explique que c'est fait par les indigènes de la forêt amazonienne à base de manioc fermenté et de salive. Par contre, la chicha morada nous plaît mieux. Boisson qui s'apparente à un jus de fruits, dont la base est le jus du maïs violet. Wena nous fait découvrir aussi le camu camu, un fruit qui contient 40 fois plus de vitamine C que le kiwi. La cecina, viande de porc assaisonnée et fumée qui peut se consommer crue ou cuite. Les pâtisseries telles que les alfajores, les picarones ou l'arrozambito finissent par avoir raison de notre faim. Nous nous rendons enfin à la forteresse de Sacsayhuaman, qui jadis protégeait la ville de Cusco et qui est impressionnante. Édifiée avec des blocs de pierre énormes, certains pèsent plusieurs dizaines de tonnes, elle surplombe la ville à 45 minutes de marche de la Plaza de Armas. Ces blocs de pierre sont si bien ajustés, sans ciment, qu'il est impossible de glisser quoi que ce soit entre deux pierres. On dit qu'il est impossible d'y glisser une lame de rasoir. Wena n'a pas tardé à me prendre la main pour marcher. Elle ne me quitte pas d'un pas et me lance des regards langoureux comme ses sourires. Quand elle m'offre un churro, friture au lait sucré, qu'elle vient d'acheter, je veux lui donner un bisou sur la joue pour la remercier. Elle pose délicatement sa main sur ma joue pour tourner mon visage afin que ce soit nos lèvres qui se rencontrent, aucune résistance de ma part. Brat et Juju sont hilares et chantonnent la maladie d'amour de Sardou. Bien sûr, il est hors de question de rater le Machu Picchu. Mais selon Wena, comme je l'appelle, il faut y aller plus tôt. Et elle nous propose d'organiser ça pour le lendemain, car c'est très cher, mais avec elle, nous ne payerons pas et serons considérés comme des visiteurs privilégiés puisque les principales autorités qui gèrent le site sont de sa famille ou des amis. Ce qui nous plaît à Cusco, c'est tout d'abord ce mélange fusionnel entre l'art inca et espagnol, mais également une certaine fierté des Péruviens pour leurs origines indigènes. Nous ne l'avons jamais ressenti de manière aussi forte, et c'est un plaisir de rencontrer une population qui revendique et réaffirme ses racines. Les femmes, dans des tenues chatoyantes, portaient sur leur dos des bébés, enveloppés dans des couvertures traditionnelles. Le marché quotidien déployait dans les rues ses parfums et ses couleurs, pour mon plus grand plaisir. À Cusco, il y a toujours une fête. En fin d'après-midi, des groupes homogènes d'une trentaine d'enfants se déplacent au son de ces rythmes andins avec à leur tête un porte-drapeau. Nous nous renseignons auprès d'adultes qui accompagnent ces enfants. Il s'agit juste de la fête d'une école de la ville. Par solidarité, une vingtaine d'écoles s'associent à la fiesta en faisant défiler une de leurs classes. La flûte de Pan, le bonnet couvrant les visages, certaines tenues nous font penser à tant de scènes de films. Les enfants sont heureux comme tout. D'abord grâce à cette grande fête qui est la leur, mais aussi car ils sont les vedettes des photographes et caméramens. Nous nous coucherons assez tôt car, comme nous a averti Wena, demain une rude journée nous attend, aventuriers que nous sommes. Ce n'est pas pour ça que Wena, qui partage ma chambre, me laissera dormir. Levé à 3h du matin, nous prenons la route à 4h30. À près de 2000 mètres, la végétation est tropicale. La forêt vierge a remplacé les hauts plateaux secs de l'altiplano. Il est 7h quand nous nous lançons à l'assaut de la montagne et d'après le registre, déjà près de 3 personnes nous précèdent. 1600 marches, 500 mètres de dénivelé pour arriver à ses portes. Lampe torche, c'est dur, très dur. J'entame mes forces. Mes oreilles se bouchent, un voile blanc sur les yeux. La sueur qui dégouline, il doit faire au moins 40 degrés Celsius ce matin-là. Je respire en fonction de mes mouvements et tente de contrôler inspiration et expiration. Il nous faudra 40 minutes. Le chemin qui mène en haut est des plus effrayants pour les personnes sujettes au vertige. Passant au-dessus du vide le plus gigantesque, mais ce n'est pas notre cas. Et là se dresse le site juste devant nous. comme flottant dans les airs entre les cimes, majestueux et à en couper le souffle. C'est un spectacle inimaginable, et nous le découvrons au fur et à mesure que le soleil se lève au loin. Une fois entrés sur le site du Machu Picchu, nous prenons de la hauteur, 2000 mètres de dénivelé, pour admirer la cité dans son ensemble, avec en arrière-plan le Huayna Picchu, la montagne que l'on voit sur toutes les cartes postales. On est tous les trois émerveillés. Les premiers rayons du soleil apparaissent et éclairent la ville déserte. C'est un vrai enchantement que de la voir s'illuminer au fur et à mesure. La luminosité est exceptionnelle. Il est difficile d'expliquer avec des mots des paysages auxquels le regard a du mal à croire. Un poème pour les yeux, écrit pour être admiré. Voilà qu'on rencontre des lamas venus brouter avec leurs petits de 2 mois. Ils sont adorables. Brad et Juju leur foncent dessus pour les photographier, mais ils ne sont pas décidés à se laisser faire. La mâchoire du mâle grossit dangereusement. Brad et Juju n'insistent pas, et c'est à Huayna et moi de rire maintenant. Pour être exact, il nous faut tout d'abord traverser l'ensemble du site. Et, avant de commencer la montée, nous devons signer un registre dans un petit cabanon, une sorte de décharge pour les autorités qui veulent se laver de toute responsabilité. Avec Huayna, ce n'est pas utile, et nous passons comme une lettre à la poste. Le mont Huayna Picchu, le jeune pic, culmine à près de 2700 mètres d'altitude. La place centrale de la cité est située à 2500 mètres. Mais il nous faut descendre de 100 mètres avant de commencer l'ascension du Huayna. Pour résumer, nous avons gravi un dénivelé de 300 mètres. Ce n'est certes pas très impressionnant, mais la montée est très raide et les marches sont hautes. Il faut être en bonne condition physique pour effectuer le parcours. Mais celui-ci n'a pas de difficultés ou de dangers particuliers. Arrivé au sommet, sur des grandes pierres plates, nous contemplons toute la vallée autour du pic. C'est le silence, car autant de beauté ne prête à aucun mot, et les quelques touristes courageux qui nous ont rejoints nous disent mot. Leurs yeux sont fascinés. Nous nous sentons minuscules au milieu d'une telle création céleste. La descente est plus rapide et ne prend qu'une demi-heure, et heureusement qu'il y a des cordes pour s'agripper, car la pente a un fort pouvoir d'attraction. Mais rien ne me fera oublier le comportement inadmissible des touristes qui débarquent par centaines comme en terrain conquis. Au moment de partir, alors que l'on se rapproche de l'entrée, il y a soudain un touriste belge qui jette sa canette de bière sur un des petits murets de pierre du Machu Picchu pour faire peur à un des alpagas. En moins d'une minute résonne un sourd grondement persistant des autres touristes qui sont arrivés et qui ébranlent toute la montagne. Un peu comme si tout le Machu Picchu allait s'effondrer. Tout le monde est choqué, et le bruit court que quelqu'un osait polluer le Machu Picchu. Cette merveille que tous, y compris Huayna et moi, sont déjà prêts à défendre au prix de leur vie, s'il le fallait, tant ils en sont tombés amoureux. Qui a bien pu oser faire ça? Toutes les têtes se retournent et mitraillent du regard ce touriste. Je ne vous dis pas la colère qui s'élève en cet instant envers lui. Lequel ne peut pas croire qu'il puisse être à l'origine de cette sinistre réprobation populaire. Et ne sait plus où se mettre. Paniqué, il se sauve un peu plus loin. Au fond, dans la vallée qui entoure littéralement le Machu, coulent les eaux limpides et glacées du rio Urubamba. Il faut savoir que ce n'est pas une simple rivière, mais le plus grand fleuve du monde. Ce n'est autre que le début de l'Amazone, d'abord appelé Urubamba, puis Ucayali, au confinant avec le rio Apurimac, et enfin rio Amazonia, au confluent avec le rio Maranon. Le fleuve change donc de nom à 3 reprises. Pour le retour sur Cusco, depuis le Machu Picchu, il faut se préparer à gagner durement sa place dans le train. Effectivement, la gare de Puentes Ruinas, Machu Picchu, n'est pas un terminus. C'est un train déjà bondé qui arrive en gare. Avant même l'arrêt complet du train, Indiens et touristes se précipitent aux portes des wagons. Bien sûr, il existe des convois réservés aux touristes, au Torail, mais ils sont bien plus chers, et puis quel bonheur de voyager parmi les Quechuas. Inutile de vous dire que nous sommes, bien sûr, émerveillés, mais surtout hors service, tellement la fatigue se fait sentir, et que nous ne nous coucherons pas tard, même si Huayna ne me laisse pas encore dormir, ce qui ne me demande pas de gros efforts. Serait-ce le Camu Camu ou les feuilles que nous mâchons le soir, Je ne sais pas alors que ce sont des feuilles de coca. En tout cas, ma libido ne s'est jamais aussi bien portée. Le lendemain, levé à 5 heures et départ pour Santa Rosa. 10 heures de marche à travers des paysages magnifiques nous mèneront jusqu'à Cachorra, dernier village digne de ce nom. C'est un petit village figé dans le temps, avec ses maisons au toit de chaume, ses enfants courant en sandales et les gens parlant quechua. Le chemin tranquille au début permet d'admirer le paysage impressionnant dominé par la montagne enneigée de Sirucocha, laissant sans voix. Le chemin monte lentement entre eucalyptus. Le soleil tape fort, et cette descente interminable est une véritable épreuve pour les genoux et les orteils. Puis nous repartons en jetant un coup d'œil furtif vers le majestueux Padrayoc enneigé, perché à plus de 5482 mètres d'altitude. Nous passerons par les bains thermaux de Konok. Ces eaux ont des propriétés médicinales et sont idéales pour chasser la fatigue et relaxer les muscles. Nous pouvons le confirmer, et nous voilà en forme pour repartir. Les eaux se trouvent sur la rive gauche de la rivière Apurimac, anciennement appelée le roi des rivières ou le prince du profond, juridiction du district de Curahuasi, la ville de Lani. Nous traversons les villages de Iscuchaca, Anta et Limatamba. Traverserons le rio Apurimac par le pont Cuniac, où nous apprécierons l'immense vallée de l'Apurimac, arrivant à Curahuasi et finalement à Cachorra. Au seul carrefour du village, nous nous installons sur le trottoir et discutons avec les commerçantes en avalant une bonne assiette de riz. De plus en plus de touristes passent par Cachorra, mais rares sont les fadas qui s'aventurent ici sans mule et sans guide. Nous, nous avons Wena, heureusement. Nous pouvons voir des lieux que la plupart des touristes ne voient pas, passant à côté. Les paysages alentour atteignent des hauteurs allant de 1000 à 6000 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui engendre une grande diversité de flore et de faune sauvage. On trouve notamment l'ours à lunettes et le condor, région extrêmement sauvage qui s'étend du nord-ouest de Cusco jusqu'au cours inférieur de l'Urubamba. Nous poursuivons notre route en arrivant au col de Capulioc, 2800 mètres, où nous descendrons jusqu'à Chiquichka. Ensuite, continuerons sur Choquequirao. Au premier tiers de l'ascension, il n'y a là plus aucun autre voyageur, et surtout pas de moustiques. Notre première étape nous permettra de nous acclimater en observant l'agréable variation de paysage depuis les précipices profonds jusqu'aux montagnes enneigées. Nous continuerons le chemin et à un certain moment, nous nous retrouverons nez à nez avec le canyon de l'Apurimac, qui, de nos jours encore, suscite beaucoup de discussions par rapport à sa profondeur impressionnante. Nous arriverons finalement à Santa Rosa, où nous installerons notre campement pour la nuit. Une cabane en bambou rustique où un fermier propose de la chicha. Nous installons nos hamacs et nos moustiquaires sur un pâturage, entre deux arbres, car bien sûr, il est hors de question de dormir à terre. Bonne habitude à prendre ici, nous exhortera Wena. Une question me taraude depuis un moment, et j'en profite. Entre deux assiettes d'espessado, purée de maïs avec de la viande de chevreau, pourquoi s'est-elle attachée à moi ainsi au point de tout quitter, sa ville, sa famille et si vite? Elle ne savait rien de moi. J'apprendrai que la première chose sur laquelle elle a flashé, ce sont mes cheveux. Choc, or en quechua. Puis mon regard, mon sourire et enfin ma gentillesse. Elle m'expliquera que nos façons de raisonner ne sont pas comme la leur. Nos systèmes de valeurs totalement différents. Eux ont un esprit déjà beaucoup moins matériel. Un toit, à manger, pouvoir élever leurs enfants et un minimum de sécurité, ça leur suffit. Le bonheur, les plaisirs de la vie, ils ne les laissent pas passer. Ils n'ont pas les moyens ni le temps. Pas besoin de longues phrases, des mots, juste des faits. Elle avait envie de me suivre, de m'accompagner. Alors, elle ne s'est pas posée de questions. Elle a écouté son instinct, comme la plupart le font, d'ailleurs. Elle ne comprend pas bien ma question. On est bien, non? Alors, à quoi bon se poser des questions? On ne fait de mal à personne. Bon raisonnement, auquel je ne sais que répondre. Comme la vie peut être simple quand on ne se pose plus de questions pour se justifier de nos choix. Nous allons philosopher une bonne partie de la nuit, nous aimer, puis nous endormir d'un sommeil profond. La nuit est étoilée et 10 000 bruits nous entourent. Au début, ils nous empêchaient de dormir, inquiets de tout. Maintenant, nous y sommes habitués et ils ont même quelque chose de rassurant. Et puis, Wena veille, après nous avoir avisés des divers dangers potentiels. À l'accoutumée, nous nous réveillons pour partir tôt, pour choquer Kirao, 3050 mètres. Durant cette journée, nous passerons le pont suspendu, ensuite nous apercevrons le majestueux Nevado Salcante, 6250 mètres, point culminant de la cordillère Vilcabamba, et visiterons la citadelle Inca de Choquequirao, lieu où nous camperons. Choquequirao, de grandes terrasses, plateformes, places cérémonielles, temples, entrepôts, fontaines et canaux d'irrigation connectés par de longs escaliers et un important réseau de chemins. Un lieu mystérieux où un très faible pourcentage de ces constructions ont été retrouvées jusqu'à présent. 5 à 10% seulement découverts. Le reste est enseveli dans la jungle pour protéger ses secrets, aussi grande que le Machu Picchu, malgré que tout n'a pas encore été découvert. Brad s'arrête brusquement. Des oiseaux d'un rouge éclatant sont là, à deux pas. C'est les calitos de la rocasse, les superbes oiseaux emblématiques du Pérou qui ont choisi ce lieu paisible pour faire une pause. Du haut du site, la rivière Apurimac apparaît comme des boucles vertes et blanches s'entremêlant. La nuit sera mystique sur ce lieu sacré et historique. Nous continuons l'ascension en direction du col de la Apacheta, 5100 mètres, le lendemain à l'aube. Gravir ce col est évidemment très dur. Peut-être était-ce même plus dur mentalement que physiquement. La difficulté a été le manque d'oxygène que nous commençons vraiment à ressentir à partir de 4800 mètres. La respiration devient saccadée et les battements de cœur s'accélèrent. L'atmosphère est plus tropicale, vue imprenable et extraordinaire sur les montagnes, en passant par la forêt Mina Victoria au col de San Juan. Marcher n'est plus quelque chose de naturel. On ne pense à rien. L'air est comprimé dans nos poumons. Nous respirons mal, mais nous avons la chance de ne pas avoir aucun maux de tête ni coup de folie. Ensuite, nous redescendrons vers le col Apacheta et la lagune Tuni Condoriri, 4650 mètres, où nous passerons la nuit. Plus haut, nous n'aurions pas su monter, n'étant pas préparés physiquement et risquant l'œdème pulmonaire. Nous nous émerveillerons de la qualité de la flore que l'on croisera. Nous parlons peu, de moins en moins, d'abord à cause de la fatigue, mais aussi parce que nos têtes sont pleines de merveilles et de méditation intérieure. Nous nous parlons du regard, par des sourires, nous sommes conscients, Brad, Juju et moi, de vivre quelque chose d'exceptionnel et d'avoir une chance prodigieuse de vivre ça. Nous rions de notre appréhension à l'aéroport de Roissy. Du fait, on se l'avoue maintenant, que chacun a sur l'instant pensé que c'était une folie et a renoncé, mais juste sur l'instant. Heureusement que l'on ne s'est pas concerté à ce moment-là. Nous ne serions pas là autrement. Autour d'un feu de camp, le soir, enfin, et parce que le temps s'est très largement rafraîchi, nous commençons à discuter, à philosopher en buvant du pisco pour nous réchauffer. Le Pérou. Départ à 7h30. Choquetacarpu, 4643 mètres. Nous continuons en direction de l'Abra de Choquetacarpu. C'est un trek physique à cause des grands changements d'altitude tout le long de ce trek et les températures étouffantes qu'on peut y rencontrer. On traverse maintes paysages différents, à vous couper le souffle, allant des forêts de nuages aux glacières, en passant par les entrées de la jungle, traversant des régions de forêts tropicales, des hautes plaines, des lacs et maintes autres encore. Le tout est parsemé de ruines inca d'importance plus ou moindre le long de ce chemin. À cause des différentes altitudes, le climat change sans cesse, ce qui est la raison pour l'énorme diversité de la faune et surtout de la flore. Nous rencontrons un paysan qui nous offre des feuilles de coca à mâcher. Brad et Juju doivent avouer que ce n'est pas trop mauvais. Moi, je connais, grâce à Wena. Nous continuons notre chemin pour arriver dans la région d'Akamaché où nous dormirons dans une forêt d'eucalyptus. Si nous nous lavons tous les jours, nous ne nous sommes pas rasés depuis le départ et ça nous donne vraiment une allure d'aventurier. Pour Brad, j'ai un air de Jeremiah Johnson, le film de Sidney Pollack avec Robert Redford, mais de Jeremiah dans les Andes. Wena ne connaît pas Redford. ne connaît pas la télé, et encore moins le cinéma. Mais elle trouve que ce Redford doit avoir de la chance de me ressembler. Nous sommes écroulés de rire. Je dois expliquer à Wena qui est Redford. Un sexe symbole dont j'aimerais vraiment avoir le physique. Nous avons, surtout le soir, de bonnes parties de rigolade, malgré que Brad et Juju commencent à déprimer de ne pas avoir d'accompagnatrice. Du moins, surtout le soir, car la journée, nos efforts physiques occupent toutes nos pensées. Il serait temps aussi que nous arrivions à un vrai village, car nous allons manquer de pisco. Nous décidons de pousser le lendemain jusqu'à Wankakal. Du moins Wena, puisque c'est elle en fait qui nous guide. Nous, il y a longtemps que nous ne savons plus nous situer au Pérou. Nous ne savons pas où elle nous mène, mais nous avons une totale confiance en elle. Du pisco, deux compagnes pour mes amis, elle nous garantit que nous trouverons cela là-bas. Elle a deux cousines à Wankakal. Nous continuons donc le trekking le lendemain où nous pourrons visiter les forteresses de Vitkos et de Rosaspata, puis les ruines et impressionnants bains thermaux de Yurakrumi. Vitkos pour arriver au village de Wankakal, lieu où nous serons hébergés par les dites cousines. Le soir, nous arrivons après une épuisante route. Il était temps d'arriver, car le poids du sac à dos avec la nourriture, la cuisine et les affaires personnelles se font sentir. Le village n'a ni eau ni électricité. Les toilettes sont communes à tout le monde. Les gens viennent à notre rencontre, surtout les enfants qui sont fascinés par le doré de mes cheveux qui se sont éclaircis encore au soleil. Loretta et Chaka, les deux cousines, un peu plus âgées que Wena, nous feront visiter les sites archéologiques de Rosaspata et de Nusta Hispana, citadelle refuge des derniers souverains incas, et de Choquequiro, magnifique site suspendu au-dessus de la vallée de l'Apurimac. Ce sont de jolies péruviennes de 20 ans, et qui plaisent assez à Brat et à Juju. Ça tombe bien, faire des expéditions comme la nôtre, pour elles, c'est commun, et elles en ont déjà fait pas mal, donc elles nous accompagneront. Nous apprenons ainsi qu'en fait, Wena nous conduit dans la selva, dans son ancienne tribu, où vivent encore ses parents et grands-parents, donc de la famille de Loretta et de Chaka. Pour nous, pas de souci. Bien sûr, Wena explique qu'elle fait beaucoup de détours pour nous faire visiter son beau pays. Cette nuit-là, je ne suis plus avec Wena le seul couple, et Brad, comme Juju, se rattrape bien à voir leur cerne le lendemain matin. Il faut dire que les cousines n'ont pas souvent l'occasion de voir de beaux jeunes hommes traîner dans leur village. La plupart des jeunes ayant quitté le village pour la ville où ils ambitionnaient de trouver une situation avec plus d'avenir. D'autres pour se consacrer à la culture des feuilles de coca. Car au Pérou, les surfaces consacrées à ces cultures illicites sont quand même de 32 000 hectares. Pour les défenseurs de cette culture, la coca est utilisée dans des centaines de produits aussi basiques que du shampoing, du dentifrice, des vêtements, des médicaments. Il s'agit d'ailleurs d'un potentiel financier considérable pour la région andine. Le lendemain donc, nous commençons notre marche en direction de Hututu. Nous passerons par Vilcabamba, qui est connue comme la vallée de la longévité, car on dit que la plupart des gens d'ici vivent plus d'un siècle. Ville entre jungle et montagne, la biodiversité de la flore est ici phénoménale. 500 espèces d'oiseaux, d'après Loretta et Chaka. Des colibris, des toucans, des perroquets bien sûr, et également l'ours à lunettes. Nous pourrons voir la fleur appelée Raimondi, qui ne se trouve qu'à cet endroit. Elle mesure environ 3 mètres, ce qui en fait la plus grosse fleur du monde. À la Vieja, 3500 mètres, nous visiterons l'antique temple colonial pour continuer vers le col de Kolpakasa, 3850 mètres. Vue imprenable sur l'immense vallée de San Miguel, puis redescendre pour arriver à Hututu. De là, nous pénétrerons dans la jungle, histoire de passer la nuit dans un lieu extraordinaire et sauvage. Pendant le dîner, autour d'un feu de camp, assez dur à allumer à cause de l'humidité tropicale, je note que Loretta et Chaka ont compris le truc. Elles donnent des feuilles de coca à mâcher à Brad et à Juju. Moi, Wena sait et m'en donne déjà depuis longtemps. C'est excellent pour la libido, si besoin était, car... Non pas que nous ayons des problèmes de ce côté-là, mais les filles ont tellement de retard à rattraper que ça ne peut qu'être bénéfique pour elles. Cela dit, avez-vous déjà essayé de faire des câlins dans un hamac à 2 mètres du sol? je vous le recommande. C'est un exercice complet et fort périlleux. Sur la fin, nous deviendrons cependant, non pas des experts, mais disons des artistes en la matière. D'autant plus difficile qu'il y a les serpents, mais aussi de temps à autre un puma qui passe. Mais c'est assez rare, nous rassure chacun. Elle fait bien de nous le dire, nous guetterons le moindre bruit, et Dieu sait qu'il y en a en pleine jungle. Départ en direction Urpitapa, en passant par une végétation dense et par des habitations de paysans amazoniens. Nous passerons par les villages de Vista Alegre, 1600 mètres, et San Guillermo. Pêcherons dans le rio Concevidayoc et continuerons pour le campement de Urpipata. Nous continuons notre passionnant voyage en pénétrant dans une végétation exubérante d'arbres géants. Nous pourrons observer de grandes variétés d'oiseaux, insectes, fleurs colorées comme les orchidées et les plantes médicinales. Nous visiterons la dernière citadelle inca d'Espiritu Pampa, où l'on pourra rencontrer le fameux coq des roches et d'autres oiseaux typiques des forêts tropicales comme le caraca. Nous passerons le rio Chontabamba, connu également sous le nom de Rio San Miguel, et continuerons notre chemin en passant les ponts suspendus des rios Concevidayoc et San Miguel, puis arriverons au village de Chiwankiri, lieu de notre camp de nuit. Nous sommes usés. Les ampoules que nous avons nous font souffrir, comme notre dos. Les filles vont nous achever. Nous ne sommes pas des mules, même si nous marchons à notre rythme. Mais quel paysage merveilleux avons-nous traversé. Wena nous apprend que pour les ampoules, il ne faut pas les percer, mais glisser un fil de couture dedans et laisser le liquide s'écouler lentement, le long de ce fil, toute la nuit. Ça tombe bien, nous avons fil et aiguille dans la trousse de secours. Et c'est vrai, ça marche à merveille. Le lendemain, aucune douleur. Les ampoules ont séché. Nous sommes en forme au matin, d'autant que cette nuit, les filles ont eu pitié et nous ont laissé dormir. En ce qui me concerne, la première fois depuis notre départ de Cusco, ma rencontre avec Wena. Nous continuons notre voyage en passant par les villages de Yuveni et Kiteni pour arriver au bord du rio Urubamba. Aventure assurée. 40 km en 12 heures. Ça a l'air de faire peu, mais dans la jungle, dans la montagne, et dans un tel décor, c'est déjà pas mal. Nous descendons le rio Urubamba en barque à moteur jusqu'au Pongo de Menik, lieu enchanteur où se rassemblent toutes les rivières en cascade, Éden paradisiaque à la porte du bassin amazonien où nous passerons la nuit pour explorer ses alentours au cœur d'une végétation de plus en plus luxuriante. La région est peu fréquentée, l'accès difficile et le trafic d'embarcations plutôt aléatoire. Brat s'est armé de sa carabine, au cas où on rencontre des pumas, et de son coupe-coupe, sans lequel il est impossible de progresser dans la jungle qui couvre les collines environnantes, territoire où vivent encore des communautés indigènes, dont une que nous croiserons pacifiquement. Nous remontons le fleuve tumultueux jusqu'à Quilabamba. La plage de Quilabamba ressemble à un paradis tropical. Les palmiers sur le bord de l'eau, la petite brise de vent sur le bord de la rivière. Nous voilà enfin dans une grande ville. Une ville vitrine, approximative par son marché et ses boutiques. De ce que les grands centres urbains modernes offrent. Des voitures 4x4, des camions qui transportent ces marchandises aussi loin que possible pour approvisionner les petits villages de la région desservie d'une voie carrossable. Dans la ville, beaucoup de triporteurs, dont pratiquement 90% sont des taxis. Ça nous fait tout drôle de retrouver voitures et camions. La civilisation, avec ses hôtels, ses restaurants. Nous passerons d'ailleurs la nuit dans un petit hôtel de la vieille ville. Bonne occasion de prendre une vraie douche, dormir dans un vrai lit, manger un vrai repas. Voir des Européens, qui nous prennent pour des fous, d'aller ainsi à pied et à l'aventure, alors qu'il y a des cars et des trains. Ils trouvent ça suicidaire, malgré nos guides. Ils n'ont rien compris. Nous constatons quand même que nous sommes décalés par rapport à notre retour dans la civilisation. Les bruits de divers travaux de bâtiments, des voitures nous perturbent un peu. Entendre un poste de radio passer de la musique nous enchante, mais modérément. Nous avons cependant l'occasion de refaire le plein de matériel, de changer de chaussures, car les nôtres sont plus qu'usées. À Juju, d'envoyer ses rouleaux de film Kodak en France chez son frère resté à Paris. Mais le lendemain, dès l'aube, nous repartirons à la première heure, avant même le lever du soleil. La prochaine étape prévue est Aguascalientes, village typique et agréable où nous espérons nous ressourcer dans les bains thermaux. En effet, on pourra profiter des sources d'eau sulfureuses chaudes de la ville. Nous n'arrivons que le soir à Aguascalientes, après avoir beaucoup marché. Nous avons encore fait le plein de paysages merveilleux. Nous sommes bien sûr cassés, tant au niveau du dos que des pieds. Mais c'est surtout psychologiquement que la journée fut tendue. Chacun plongé dans ses pensées. Après avoir retouché du bout des doigts la civilisation qui la bamba, nous nous interrogeons. Comment serons-nous à notre retour à Paris? Arriverons-nous à nous réacclimater? C'est que ça se rapproche sérieusement, peut-être une dizaine de jours tout au plus, presque un mois que nous sommes au Pérou. Et nous avons bien changé, tant physiquement que psychologiquement. Nous avons maigri, avons le teint hâlé, mais surtout nous sommes devenus un peu sauvages vis-à-vis du monde dit civilisé. La télévision, la musique, les journaux, les actualités, tout ça est bien bien loin de nous. Comme si nous avions quitté la Terre pendant 3 semaines. Le Machu Picchu n'est plus loin et nous avons maintenant une appréhension de voir le voyage se terminer et arriver notre retour à Paris. De plus, il faudra quitter nos compagnes à qui nous nous sommes attachés. Mais impossible de les ramener à Paris. Et elles ne le voudraient pas. Brad a posé la question à Wena pour tâter le terrain. Bref, l'ambiance est morose, nostalgique. C'est presque en traînant les pieds que nous repartons le lendemain pour le Machu Picchu. Dans les pas de Hiram Bingham, le découvreur du Machu Picchu, notre trek nous emmène successivement du pied des glaciers jusque dans la jungle, sur un parcours jalonné de sitinques à oublier. Après une descente sur un bateau en bois très fin, long d'une dizaine de mètres, surnommé le Poco Poco, à cause du bruit de son moteur, nous pénétrons l'Amazonie à la rencontre des peuples natifs. Ici, les vertigineuses Andes s'inclinent pour laisser la place à la démence de la végétation. Le fleuve, la forêt, la chaleur et les moustiques. J'avais trouvé un endroit digne de mon désir d'aventure. Nous sommes partis le lendemain en expédition. Nous avons passé 6 jours fabuleux dans la jungle, à dormir sous une moustiquaire que l'on bâchait en cas de pluie. Avons savouré le spectacle époustouflant des étoiles, étincelantes à travers les arbres. La nuit, des milliers de lucioles virevoltent dans un féerique ballet, comme pour nous protéger de notre environnement hostile. Wena m'a appris à pêcher des piranhas, chasser l'alligator. Nous avons vu une multitude d'animaux. Les fourmis, dans la forêt, font parfois plus de 3 centimètres. L'anaconda y est le roi. Nous avons évidemment été dévorés par les moustiques, le fléau de la selva. La fatigue, la pluie et une douleur à l'épaule m'ont fait douter un instant de l'aboutissement d'arrivée au village, mais je l'ai gardé pour moi, rapport à Wena. Nous ne connaissons pas encore la maladie de Chagas. Cette maladie qui sévit au Pérou est terrible. Un petit insecte, la vinchuca, de la taille d'un cafard et qui vit dans les bambous, se réveille la nuit pour vous piquer. La nuit, elle sort des murs et se jette sur ses victimes, les pique pendant leur sommeil et les infecte d'une maladie pour laquelle il n'y a ni vaccin ni médicament. Seule la prévention nous évitera de prendre le risque. Heureusement, Wena connaît bien la salva et ses bestioles. Les victimes se réveillent avec une rougeur marquant l'endroit de la piqûre et un parasite dans le sang qui, des années plus tard, affaiblira leur cœur, leur ôtera leur force et pourra éventuellement les tuer. Notre frêle embarcation a subi une tempête tropicale au milieu du fleuve et nous avons failli chavirer. Après 6 jours de ce traitement, l'arrivée au village, sans eau ni électricité, est apparue comme un luxe. Nous avons passé 10 jours loin de la civilisation, à nous laver dans l'eau brune du fleuve, à nager en plein bonheur, face à nous-mêmes. Dans le village de Wena, les Indiens vivent avec le soleil. Ils se lèvent avant lui et se couchent avec les poules. La météo gère tous les actes du quotidien. Ils vivent organisés en clans, en famille. Autour d'eux, ils ont un périmètre de chasse, de cueillette, de pêche qui appartient à chaque clan. Ils fonctionnent au quotidien. Les clans, qui comprennent 10 à 45 personnes, sont espacés d'une demi-journée de marche. Aujourd'hui, les Achaninkas se sont un peu regroupés pour se protéger de tout ce qui leur arrive, à savoir le Sentier Lumineux, mouvement guerriero d'aspiration maoïste, le narcotrafic de cocaïne et l'abattage de l'acajou, le bois précieux. Le Machu Picchu aurait été bâti pour les Vierges du Soleil, les Aklas. Envahis par la jungle, les ruines semblent se reposer d'une longue agitation. Nous savourons l'atmosphère de ce site inca si particulier, à l'ombre d'une végétation dense. Cambrad s'arrête brusquement. Deux oiseaux, d'un rouge éclatant, sont là, à deux pas. C'est le Galito de Las Rocas, le superbe oiseau emblématique du Pérou, qui a choisi ce lieu paisible pour venir nicher. Pour compléter cette aventure exceptionnelle, nous allons ensuite pénétrer au cœur du bassin amazonien. En bateau, nous descendons le fleuve Urubamba avant qu'il n'aille grossir les eaux de l'Amazone, jusqu'au Pongo de Manic, des gorges sublimes où abondent les cascades à flanc de falaise. Cusco est maintenant si loin qu'il nous faut 3 jours pleins d'une route bordée d'orangers, de caféiers et de fruits tropicaux pour atteindre un col improbable qui nous ramène dans la vallée sacrée, pour pouvoir finalement accéder au mythe en découvrant le Machu Picchu. Montée au Huayna, puis retour à Cusco. Nous ne pouvions quitter le Pérou sans aller voir le canyon de Colca. Un petit jet appartenant à l'oncle de Huayna nous y conduira. D'abord le canyon, et quel canyon! Les Péruviens prétendent que c'est le plus grand du monde, dépassant les 3000 mètres. Il possède des milliers d'hectares cultivés en terrasse. Ses dessins harmonieux sont l'œuvre des Indiens Kuluas, une civilisation qui possède un millénaire de plus que celle des Incas. L'antique Condor nous a offert un véritable bal aérien au petit matin. Il a plané au-dessus de nos têtes, se laissant porter par le vent pour nous montrer sa majesté. Le canyon de Colca est le paradis des Condors. Le célèbre oiseau des Andes est aussi le plus grand du monde avec ses 3 mètres d'envergure. Puis, nous apercevons notre étape, l'oasis. C'est le nom de ce petit hameau, plein de charme, au milieu d'une rocaille grise. Au fin fond, dans l'antre du canyon, se trouve un petit paradis, une vraie oasis. Palmiers, eaux thermales déviées pour remplir les piscines, orangers, verdure, animaux et petites cabanes de bois et de paille, semblant nous inviter à un vrai repos. Nous dégustons rapidement nos pains avec du thon, des tomates, et bientôt nous choisissons un lagon pour nous baigner. Ce sera celui où l'eau coule sur un rocher et qui donne une belle vue sur la montagne d'en face. C'est le plus plaisant, car le plus chaud, mais aussi le plus naturel avec ses rochers inclus dans la structure. Puis l'oncle nous conduit au port de Huancachina, une petite oasis en plein cœur du désert. Et là, on découvre un vrai petit paradis, une minuscule station balnéaire construite autour d'un lagon et surplombée tout autour par d'immenses dunes de sable. Un vrai paysage des mille et une nuits, le désert. Nous avons aussi entrepris l'ascension des dunes. C'était presque une épreuve à chaque pas, car on glissait en contrebas à mesure qu'on montait. C'est d'ailleurs plutôt étrange comme sensation. Un pas en avant, on s'enfonce, on glisse, on recommence, le tout très lentement, mais finalement, on finit par arriver sur la crête. Là-haut, c'était splendide. On avait une vue plongeante sur l'oasis encore endormie, et tout autour de nous, les dunes, aiguisées parfois par les vents, comme des pics. Tout au loin se dessinait la ville, et un peu de verdure. On avait peine à croire que le désert s'étendait d'un côté à perte de vue, et qu'il était de l'autre circonscrit par la ville. Nous passerons la journée et la nuit côté désert. Ce désert côtier, long de près de 3000 km, pour quelques dizaines de large, s'étend du nord du Pérou jusqu'à la presqu'île de Paracas. Désert côtier du Chili, pour se confondre avec le désert d'Atacama, plus aride encore. C'est un désert au sens strict. Dunes mouvantes, lits de rivières asséchées, plaines rocailleuses et montagnes couleur châtaigne. Des années entières séparent parfois les chutes de pluie torrentielle, ce qui fait de cette région l'une des nombreuses lignes de Nazca, le colibri plus aride de la planète. Il y a de vastes zones où rien ne pousse, pas même des cactus ou de la broussaille. Le sud péruvien, comme la côte, est un désert de sable dont les dunes de sable nous ont profondément émus par l'intensité de leurs couleurs dans la luminosité du soleil couchant. L'immensité du désert, il nous renvoie à notre statut de fourmi dans cet univers. Dans un désert, il n'y a rien à perdre de vue, mais il y a le silence. Nous passons notre dernière nuit en ce lieu, dans le désert immense, à méditer sur la fin de notre voyage, à tout nous remémorer, sans un mot, chacun face à face à soi-même, le cœur très lourd, avec cette envie de pleurer. Wenna est assise en face de moi. Nous nous tenons les mains toute la nuit, en nous regardant. Nous savons que c'est la dernière fois que nous nous voyons. Demain, Wenna et ses cousines rejoindront leur tribu, et nous Paris. Et les larmes coulent, silencieusement. Pas besoin de se parler, on sait. Brad et Juju sont dans le même état que moi, le cœur trop gros pour contenir les larmes. Ce voyage hors du commun, fruit d'un long travail de terrain et d'une logistique finalement irréprochable, grâce à Wenna et à ses cousines, il faut bien l'avouer, puisque rien n'aurait été possible sans elles, la plus formidable aventure qu'on peut rêver de réaliser au Pérou. Wenna m'a laissé une couchma que j'ai conservée des années, malheureusement dérobée lors d'un déménagement. Heureusement, il me reste la mémoire. 23 décembre 1977, Cusco, Lima, et vol retour en France, en soirée. Il nous a fallu une bonne année pour nous réaccoutumer à Paris, à sa faune, à sa vie. Je ne sais si nous y sommes vraiment parvenus, mais il nous restera toujours quelque chose de cette expérience. Jamais nous ne pourrons oublier cette aventure humaine. Bien sûr, nous n'avons jamais revu les filles, mais j'ai su que Wenna, après notre départ, avait quitté le Pérou pour l'Angleterre, où elle était rentrée à l'université. En 1997, j'eus l'occasion de voir un article de journal sur elle, apprenant qu'elle était journaliste pour un grand magazine de voyage, Géo. Avec Brad et Juju, nous sommes, 30 ans après, restés en contact. Brad s'est marié, a eu 3 enfants, avant de se retirer définitivement en 2006 à Yaoundé, dans son village natal au Cameroun, où il a ouvert un restaurant. Nous restons en contact grâce à Internet. Juju n'a plus jamais eu de contact avec le milieu. Il s'est marié aussi, avec une jeune Suisse, et ils ont eu 2 enfants. Ils vivent dans le sud de la France. Ils travaillent ensemble comme enseignants. Comme pour Brad, nous sommes toujours en contact par Internet. Quant à moi, eh bien, je vis maintenant en Belgique, et je me consacre à l'écriture principalement, à ma compagne et à ses enfants. Et tout va bien. Pour conclure, je terminerai par une citation de Xavier Maniguet, qui au fond a été l'instigateur involontaire de cette merveilleuse aventure. Courir le monde de toutes les façons possibles, ce n'est pas seulement la découverte des autres, mais c'est d'abord l'exploration de soi-même, l'excitation de se voir agir et réagir. C'est le signe que l'homme moderne a pris conscience du gâchis qu'il y aurait à rendre passive une vie déjà bien courte. Xavier Maniguet.